L'horizon m'est classé. Le rabais t'en vient, ouais. Oh, avant de arriver, m'en t'es gon papillon. Qu'a posé si toute fleur, l'avant la t'es mené moi. Chercher longtemps, m'a espéré tellement, et depuis où arriver, c'est toi l'espoir briller. Pour moi, l'horizon m'éclaircit.